underrated. Underground. Bonjour à toutes et à tous, et vous êtes bien sur Radio Gémozo, 107 FM, votre radio locale, et ça tombe bien. Et on va parler local aujourd'hui avec nous, Marina et Estelle, qui nous parlent de la nouvelle édition du Festival du mariage des Hautes-Vosges. Marina et Estelle, bonjour, comment ça va ? Bonjour Léa. Ça va bien ? Ça va et toi ? Eh ben, ça va très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir pour la première fois de mon côté, mais ce n'est pas la première fois que le festival est couvert par la radio. Vous avez eu envie de nous en parler à nouveau pour cette nouvelle édition. C'est la combientième édition là justement du festival ? On est à la deuxième édition. Donc c'est tout neuf encore. Voilà. Est-ce qu'on a eu le temps de faire un petit peu le point sur la première édition ? Est-ce que ça s'est bien passé, cette première édition ? Oui, ça s'est vraiment bien passé. On est contents des visites qu'on a eues, des retours de tout le monde, des visiteurs, des artisans qui étaient là à nos côtés. Donc, Je crois que c'était au-delà de l'image qu'on s'était faite de l'événement, en fait. Au-delà de ce qu'on avait pensé, rêvé, on a vraiment réussi à vivre l'ambiance qu'on souhaitait et l'harmonie surtout entre tout le monde, tel qu'on vivrait pour un mariage au niveau festif et rencontres, etc. Mais c'est super. Alors déjà, d'où venez-vous et comment un jour, on a eu envie de préparer un festival du mariage dans les Hautes-Vosges ? C'est lors de rencontres sur des mariages, tout bêtement, on est tous prestataires de mariage. Donc Marina est fleuriste, moi je suis photographe. Il y a aussi Romain aussi qui est fleuriste, le compagnon de Marina, et aussi Pauline. Donc on fait tous les quatre parties de la même association. Pauline qui est organisatrice de mariage. Donc c'est lors de mariage qu'on s'est... En fait, à la base, on s'est mis un petit peu à rêver d'organiser notre propre salon. On avait des idées, et puis à force d'en parler et de se croiser, et puis d'évoquer nos idées, on s'est dit et si on s'y mettait et si on passait à l'action et donc on s'est réunis et moi, je crois qu'on a bien mis plusieurs mois voire un an pour vraiment mettre tout sur la table et après voilà, ça a été des recherches de lieux etc. pour vraiment commencer à mettre en place le projet. Donc là, c'est organisé par une association, vous faites partie d'une association? Oui. Qui organise cet événement, Mon Amour, mais on ne fait pas la liaison, parce que Mont, ça s'écrit M-O-N-T, c'est ça ? C'est ça. Voilà, un beau jeu de mots. Aux montagnes. Eh ben oui, forcément. Alors du coup, cette association, elle a été spécialement créée pour organiser ce festival du mariage, donc du coup, j'imagine qu'elle a à peu près 2 ans, voilà. Tout ça ? Oui. Mmh. Ok, vous êtes combien de membres au sein de cette association ? Donc on est 4. On est 4 au niveau du bureau, puis après, tous les exposants, ça va changer d'une année à l'autre. Mmh. Ah ben c'est super. Alors ce festival du mariage, on va quand même vous en parler, il se déroulera à la chapelle de Travexin à Cormimont le samedi 12 octobre de 14h à 21h et le dimanche 13 octobre de 10h à 18h. Voilà. Est-ce qu'il a toujours été, déjà à l'édition dernière, organisé au sein de la chapelle de Travexin à Cormimont ? Donc l'année dernière, oui en effet, cette année aussi. Oui. Ça peut aussi évoluer, c'est pas encore défini, on va déjà terminer celui-ci, puis on verra ça joue beaucoup selon nos inspirations, selon ce qu'on vit, les rencontres aussi, etc. Donc en tout cas, on reste dans le secteur, ça c'est sûr. Donc ce festival du mariage des Hautes-Vosges, on en a parlé, ça se déroulera en octobre. Alors il y aura plein de choses de proposer, plein de prestataires différents. J'ai vu quelques photos sur le site internet, vraiment l'édition 2018, c'était vraiment magnifique. Ça se passe sur www.monamour.com, MONTAMOUR.com. On remettra le lien de ce site internet avec le podcast de cette émission, d'en savoir plus pour les auditeurs qui aimeraient visualiser tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors c'était vraiment des décors fabuleux, plein de belles choses de proposer l'année dernière déjà. Je crois que notre force ça a été qu'avec cette échelle humaine, chaque prestataire a vraiment mis du sien en fait dans son propre métier et en fait je crois que tout simplement tout le monde s'est éclaté. On a eu Projax qui s'est occupé de la lumière, nous on s'est occupé des fleurs, enfin tout le monde a vraiment apporter sa pierre à l'édifice, et c'est ça qui a donné un ensemble, je pense, cohérent, chaleureux. Et voilà, je pense qu'on s'est tout simplement éclaté à faire ce qu'on aime, puisque ce qui nous lie, c'est vraiment la passion de nos métiers. De nos métiers, en fait, respectifs. Eh bien oui. Alors, combien de prestataires seront présents sur place cette année? Est-ce que tous les corps de métier du mariage sont réunis? Oui, toutes sortes de prestataires. Tous les prestataires qu'on peut trouver sur un mariage seront là. Oui. En matière de nombre, une quinzaine, je pense. Une bonne quinzaine, quoi. Entre 15 et 18. Donc, on retrouvera quoi, alors, sur ce salon du mariage? Donc, voilà, il y aura Marina et Romain en tant que fleuristes. Et après, on aura aussi la décoration de mariage, des photographes, une organisatrice de mariage, de l'animation en matière de son et de lumière, des créatrices de robes de mariée, avec des défilés durant le week-end, des robes. Des modèles seront coiffés et maquillés sur place. C'est génial. Donc, par la coiffeuse qui sera là... sur place. C'est des faux mariés, du coup? C'est des gens qui viennent faire les mariés spécialement pour le festival? C'est ça, c'est des amis, des bénévoles qui viennent se joindre à nous. Ouais. Ils doivent quand même être contents, hein, parce que c'est magnifique d'être en robe, coiffée, maquillée. Ça doit être vraiment une belle chose. Mais bon, on a de la chance aussi de les avoir, c'est vrai que c'est, Mais oui. C'est sympa. C'est mieux quand on peut se rendre compte de comment ça donne directement sur une personne. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, on aura traiteur, food truck aussi. Donc, il y aura restauration le samedi soir et le dimanche midi sur place pour les gens, pour les visiteurs aussi. Donc, super. Et puis, on aura aussi du wedding cake, de la pâtisserie de mariage, bijouterie, des lieux de réception aussi qui viennent un petit peu présenter ce qu'ils proposent. Et puis, des officiants de cérémonie laïque. Eh bien oui, pour tout le monde, là. Et puis aussi, en matière de... J'ai parlé des repas, mais il y a aussi du vin en biodynamie naturelle. Donc, du vin biodynamie? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une personne, en fait, qui fait vraiment le tour de France et qui va aller chercher des vins qui sont produits de manière naturelle, voilà, avec des labels bio et puis dans vraiment le respect de la nature. Et oui, elle va vraiment chercher à ce que ces producteurs soient, au-delà de les producteurs sains au niveau de leur récolte, soient des rencontres avec des histoires, etc. Donc, elle fait vraiment voyager au niveau... de sa gamme de produits, quoi. C'est ça qui est chouette dans nos vallées ici, c'est que les consciences sont ouvertes. Voilà, on aime l'humain, on aime échanger, on aime les choses saines, et ça fait plaisir quand même. Et quand on peut avoir ça pour son mariage, eh bien autant le faire. Est-ce que tous les prestataires sont un petit peu dans cette démarche justement Complètement, c'est vraiment ce qu'on recherchait en fait. C'était apporter cette ouverture d'esprit. Nous, on considère que aujourd'hui, les mariés, ils se marient quand même à un âge où ils peuvent vraiment être eux-mêmes et montrer à leur famille lors de cette journée et tout dans la joie, en fait, ce qu'ils sont, quelles valeurs ils ont, etc. Et nous, je pense qu'on organise ce salon tel qu'on organiserait notre propre mariage, en fait. Et ce qu'on voulait apporter, c'était vraiment ça. C'était tout ce côté, ces rencontres de personnes qui travaillent plus avec leur cœur, en fait, finalement. C'est tellement bien dit, ça. Donc, j'imagine que les gens, quand ils viennent, ils peuvent discuter avec les différents prestataires. Justement, là, c'est vraiment un échange, une rencontre qu'on fait avec son prestataire, parce que le jour de son mariage, on a envie d'être à l'aise, on a envie d'être bien avec les gens qui seront présents sur place. Est-ce que vous êtes mariés, vous? Moi, oui. Et du coup, est-ce que on a une optique différente quand on est déjà marié et qu'on se dit « Ah, j'aurais bien voulu avoir ça quand même » ou « Ça m'a vraiment plu » et j'ai... Oui, après, bon, on travaille tous dans le mariage, donc je pense qu'on est... on côtoie quand même des mariés, je pense qu'on a la même sensibilité. Après, le fait que je sois mariée, non, je pense pas. Bon, après, c'est vrai que je suis passée vraiment par l'étape mariage, mais en tant que prestataire, on a quand même... D'accord. Voilà, vous, quand même le contact. Vous côtoyez déjà les personnes qui vont se marier. Oui. Est-ce que justement, point de vue fleurs, on propose quelque chose de respectueux de la nature, de ton côté? Alors oui, justement, c'est un grand débat pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on sait que toutes les fleurs passent par le marché de la Hollande. Oui. Y a un énorme bilan carbone et beaucoup de pollution. En effet, oui, dans notre entreprise, on essaye de trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions pour se fournir un maximum en France. On avait fait un tour de France il y a quelques années pour rencontrer les personnes qui avaient déjà trouvé des solutions. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a ceux qui produisent eux-mêmes, il y a ceux qui arrivent à acheter français. Il y a un producteur vraiment bio dans le sud de la France, mais il ne peut pas vendre au-delà de sa propre région. Donc après, oui, il y a des solutions, ne serait-ce que déjà passer par des feuillages locaux. On essaye de travailler avec un pépiniériste local au niveau des plantes, en fait, qui met quasiment aucun produit chimique sur ses plantes. On commande français. Et après, ça passe aussi par le conseil client, pouvoir dire à des gens qu'on ne peut pas avoir de pivoine en septembre, etc. En fait, on a une éducation qui fait qu'on est habitué à avoir une rose qui est parfaitement belle, qui s'épanouit en une semaine. Voilà, tout ça, c'est une éducation qu'on a eue par le commerce. Donc, c'est changer les codes. Petit à petit, les choses se font petit à petit, mais en tout cas, oui, il y a des solutions qui viennent et on essaye au maximum de les développer, de les mettre en place. Est-ce que les gens qui viennent vous voir au sein de ce salon, donc là, on va se baser sur l'année dernière, parce que pour l'instant, c'est encore tout jeune, ce festival du mariage, est-ce qu'ils sont attentifs justement à ces détails-là ? Je pense que le genre de personnes qui sont attentives à ces détails-là sont en tout cas en plein essor, il y en a de plus en plus, donc c'est déjà ce qui compte. Et après, il y a peut-être une partie qui n'est pas forcément regardante là-dessus, mais on peut aussi leur ouvrir l'esprit et puis commencer à leur parler de tout ça et à leur proposer d'autres choses. Ben voilà. À partir du moment où les gens sont eux-mêmes et font ce qu'ils ont envie, après, nous, on peut... Enfin, voilà, c'est eux qui commandent, hein, c'est sûr. Il faut qu'ils soient représentés lors de leur mariage, justement, que ce soit vraiment leur image. Après, c'est le tout de les inspirer, en fait, les inspirer à quelque chose de plus sain. C'est sûr. J'imagine que l'image du mariage, c'est très important. Je me permets quand même d'insister sur votre activité. Quand même, voilà, vous êtes là, on en parle. Comment ça se passe, les photos de mariage, quand on va se marier ? On voit toujours les mariés qui partent à un moment donné pour se faire photographier avant la suite. Donc déjà, c'est une rencontre souvent, avant même le mariage. C'est vrai qu'il y a un feeling qui passe aussi souvent avec les mariés. Voilà, ça passe ou ça passe pas d'ailleurs, mais normalement, voilà, c'est comme ça qu'on échange déjà la première fois. Après, on reste souvent en contact tout au long de l'année ou des mois, selon à quel moment ils me contactent. Et ensuite, le jour J, donc je les accompagne sur toute la journée en général. Donc c'est un reportage plutôt, en fait, vraiment sur la journée. Après, il y a des petits moments clés, voilà, la séance couple, là où je vais les guider un petit peu plus, les aider à interagir ensemble, en faisant en sorte que ça paraisse quand même naturel. Mais globalement, je suis là vraiment comme une petite souris et puis je les suis. Ça doit être magique de photographier quand même des moments uniques. Hein. Je pense au passage d'alliance, ou même à la mariée qui se prépare, parce que les invités ne le verront jamais. Mais pourtant, pour une femme qui se marie, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Et bien souvent, elle est entourée en plus vraiment de ses proches, ses amis. Donc c'est vrai que c'est des moments que j'apprécie particulièrement. Oui. C'est rigolo, les mariés qui découvrent les photos et qui se souviennent pas avoir été photographiés et qui découvrent les moments des moments qu'ils ont pas vus ou qu'ils ont loupés, etc. On est tellement dans le stress un petit peu. Ils ont pas la même vision que moi, donc c'est vrai que c'est mais ça c'est beau quand même. Oui. C'est quand même magique. Alors il y a quand même d'autres prestataires. Oui. Vous ne serez pas les deux seuls. On a un petit peu répertorié toutes les personnes en tout cas tout ce qui sera représenté au sein de ce festival du mariage. Est-ce que ce sont des prestataires tous locaux ? Oui, tout le monde est Ça nous tenait à cœur d'ailleurs de faire travailler les gens la région. Est-ce que ça a été facile de trouver tous ces prestataires pour que vraiment ça représente toutes les catégories que l'on peut rechercher dans un mariage ici ? Oui, parce que finalement. On a une part de... Je ne sais pas si lâcher prise c'est bon, mais en fait, c'est une histoire de rencontre. On laisse faire un peu les choses. Il y a des gens qui viennent à nous. On rencontre des gens. Il y a des choses qui se font un petit peu toutes seules. Il y a quand même une part qui ne nous appartient pas et que la vie, on a l'impression qu'elle... C'est beau. Qu'elle amène des choses, quoi. Tout à fait vrai. see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Alors, est-ce que le public a été présent l'année dernière pour cette première édition ? Est-ce que voilà. Oui. Oui, on avait on a eu 400 visiteurs. Ah oui, sur le week-end. Oui. Super. Ouais. Non, on était contents. Ouais. Mais ça doit être valorisant quand vraiment on se donne oui. les moyens. Non, de... puis les gens, enfin, ont profité. Je pense que voilà, tous nos visiteurs ont apprécié. C'était vraiment un chouette moment. Oui. Est-ce qu'il y aura des choses différentes de l'année dernière, cette année, pour cette deuxième édition ? Déjà dans la décoration, oui. On sera dans l'ambiance, on change l'ambiance. Hein, on est parti, on peut déjà le découvrir sur l'affiche, on est parti dans un style un peu différent, avec des couleurs différentes. On est On a beaucoup plus de contrastes que l'an dernier. D'accord. En fait, ce qui nous a inspiré, on avait exploité l'année dernière beaucoup le côté beaucoup de lumière, des couleurs chaudes, on avait beaucoup de feuillages exotiques, etc. Quand on a eu fini le salon, alors je ne sais pas si c'est par instinct de contraste ou quoi, on avait vraiment l'envie de faire quelque chose un peu urbain, industriel, rock. C'est ce qui nous inspirait en tout cas au moment-là. Et donc en général, pour présenter le salon, on va faire un shooting. Les shootings, c'est vraiment un moment de rencontre entre nous. On passe une bonne journée, on fait des photos, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est excellent. Et pour ce shooting-là, on cherchait une usine et on avait cherché loin. En plus, on avait cherché en Moselle, en Alsace. Et finalement, en fait, nous, on habite à Rochesson et il y a l'ancienne usine, l'ancienne filature, en fait, qui avait brûlé. Et on s'est dit, mais c'est génial, en fait. En plus, on va pouvoir quelque part représenter le patrimoine vosgien. Et on a trouvé ça intéressant, le contraste qu'on allait pouvoir faire entre le passé, le présent. Voilà, on est sur un ancien site. Et quelque part, il y a un message de renaissance. Parce que sur la photo, donc, on voit vraiment un couple sur un... sur un site qui a été détruit, et on s'adresse aussi à tous les remariages, en fait. À tous les remariages, on avait ce contraste-là, en fait, qui nous plaisait, ce côté urbain. De l'urbex, là, on a photographié. Hein, c'est ça, oui. C'est toi qui as photographié ? Oui. Vous avez dû bien vous amuser, quand même. On s'est bien amusé, oui. Ça doit être pas mal. Donc, du coup, là, le thème de cette année, c'est... rock, urbain. Ouais, voilà, voilà. On aimait bien. Nous, on n'écoute pas forcément du rock, mais on apprécie beaucoup ce que ça dégage au niveau du rythme, au niveau de la puissance, en fait, tous les codes en fait, du rock, et surtout au niveau de l'expression, l'expression que ça dégage. C'est un style très expressif. Et voilà, on a envie d'être nous-mêmes aussi pour montrer que chaque couple doit être soi-même et s'affirmer voilà, pour rendre la journée encore plus belle. J'imagine que point de vue créatif, là, on doit quand même s'éclater, quoi. Ah bah oui, le but, c'était ça, ouais, c'est vrai que... Comment on fait un bouquet version rock urbain ? Alors, pour le coup, on est dans un grand contraste dans les fleurs, puisqu'on est dans un champêtre assez explosif. Les graphes, en fait, sont de couleur... violet, bleu, et dans les fleurs, on était parti dans les jaunes orangés pour être en contraste de couleurs, puisque sur la roue des couleurs, en fait, c'est un arc-en-ciel en forme arrondie. Et on était vraiment sur l'opposé des couleurs. D'accord. C'était vraiment aussi pour pas non plus être dans quelque chose de trop... agressif. Trop agressif, ouais. Voilà. On a adouci avec les fleurs. Mmh. Voilà. Alors, comment ça se passe pour choisir le thème, préparer toute cette décoration du festival ? Vous vous concertez tous ensemble ? Tout le monde met sa main à la pâte ? Autour d'un bon verre. C'est la base. Voilà, un petit apéro. On discute comme on discuterait... comme on discuterait pour préparer des vacances ou pour préparer un projet. Enfin, non, voilà, on s'installe et puis on discute. Et puis, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qu'on a envie ? On s'écoute aussi, puisqu'on est quand même quatre. Donc, il faut que chacun... et son mot à dire, et qu'on reste vraiment dans une équité. Et en général, on est à peu près sur la même longueur d'onde. C'est chouette, ça. Après, chacun s'inspire, en fait, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'il a vécu dans l'année aussi. Et des fois, il y a des coups de cœur qui peuvent prendre le dessus. Mais là, vous êtes toutes tombées d'accord, toutes et tous. Voilà. Et du coup, ça se prépare comment ? Alors, dans la chapelle, il y a un décor. J'imagine que vous installez quand même beaucoup de choses. Ben, en fait, chaque personne qui va s'occuper de la mise en place, qui va pouvoir s'investir, nous dit à peu près ce qu'elle va amener. Et puis, ça se passe en fait vraiment à la dernière minute, la mise en place. On sait à peu près ce qu'on va faire. Après, c'est pas cloisonné, c'est pas comme un salon du mariage, vraiment, où chacun a son petit coin carré. Là, c'est vraiment... les gens vont déambuler vraiment entre les artisans, entre les exposants. Donc c'est, En fait, c'est très ouvert. Chacun s'exprime. Et c'est pour ça qu'on donne un thème aussi à la base et qu'on fait ce shooting-là. Et après, chacun se l'approprie comme il veut. Ça, donc il n'y a pas vraiment de règles vraiment définies. Tout n'est pas... c'est encore cette petite part de liberté qu'on peut s'octroyer. Un programme, est-ce qu'on retrouvera des temps forts au sein de ce festival, des animations, des choses? Donc le samedi, on attaque avec l'inauguration à 14h30. D'accord. Ensuite, on aura un défilé. Ah, oh, c'est bien ça. Défilé, voilà, pour présenter les robes. Défilé qui sera animé et mis en lumière. Qui propose ces robes justement? Est-ce qu'il y a une couturière? Est-ce que c'est une personne qui vient avec je sais pas, il y a tellement de possibilités, hein. On peut faire une robe sur mesure, on peut acheter une robe. Alors justement, il y a les deux possibilités, parce qu'on a la boutique Ma Robe Blanche à Épinal qui sera là. Et puis on a aussi la créatrice Christine de Soulsure. D'accord. Voilà. Donc super. Vraiment deux univers différents, mais qui se complètent bien, je trouve. Deux univers, donc ça, on peut présenter en même temps les coiffures, le maquillage. Oui. Donc voilà, ça peut donner des idées et c'est toujours un moment de spectacle. Est-ce qu'une femme ou un homme, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses pour les hommes, d'ailleurs ? Est-ce qu'on propose des costumes pour les hommes ? Oui, ma robe blanche propose des costumes. Alors, est-ce que, par exemple, quand une femme vient, elle a un coup de cœur pour un modèle, est-ce que, par exemple, la coiffeuse à côté va lui dire, eh bien ça, avec le modèle-là, je te verrai bien coiffée comme ça ? Est-ce qu'elle va être vraiment prise en main, si elle le souhaite, par toutes ces personnes en même temps ? Oui, bien sûr, ça s'organise pendant les préparatifs. Voilà, elles sont dans une loge et puis elles s'organisent pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble du vêtement. Après, du coup, elles portent plusieurs robes, hein, les mannequins. Ouais, enfin, les modèles. Les modèles. Ouais, c'est pas... Donc les modèles vont porter plusieurs robes. Donc des fois avec la même coiffure, mais c'est, il y a une cohérence en tout cas, toujours dans le style ou dans le thème qui a été donné ou dans ce que la coiffeuse a envie de, parce qu'elle aussi elle a envie de s'éclater, donc oui. Ce qu'elle peut présenter, c'est aussi l'occasion de présenter des choses un petit peu plus folle, voilà, très créative, ouais. Moins classique, voilà. C'est le moment de s'exprimer. Ouais, c'est un moment aussi où on peut s'exprimer et faire un peu, parce qu'on travaille toujours à la demande du client, et puis ce jour-là on peut faire sa propre demande à soi aussi, donc ça, c'est chouette. On peut présenter en fait de quoi on est capable. Donc alors on parlait de ce fameux défilé donc qui aura lieu samedi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le soir, on a un concert, oui, avec le groupe VSP, qui, d'accord, fait des reprises rock. D'accord. Voilà, donc là, ça va être une ambiance festive. Dans la chapelle? Dans la chapelle. Ah, c'est sympa. Ouais. Le contraste est très présent, hein, là, du coup, hein, que ce soit dans le thème, ah, oui, ou même là, un concert de rock dans une chapelle, fallait quand même y penser. Comment ça s'est passé, justement, pour pouvoir avoir la possibilité de proposer cet événement au sein de cette chapelle, à qui on s'adresse? C'est un propriétaire. Ah, oui, voilà, qui... Il y a une association qui s'occupe... de la chapelle et qui aide à sa rénovation. D'accord. Ok, super. Donc voilà, donc la chapelle est désacralisée. D'accord. Donc c'est devenu vraiment un espace qui accueille tout type d'événements. D'accord. Notamment des mariages. Oui. Au sein du festival, on retrouvera des prestataires qui proposent des lieux atypiques dans lesquels on peut fêter notre mariage. Pour l'instant, on a deux lieux. Après, faut voir avec une organisatrice de mariage pour en retrouver d'autres possibles dans la région. Ok, super. Il y en a quelques-uns. On a des beaux lieux quand même ici. Il faut en profiter. Oui. Faut en profiter. Est-ce qu'il y a un moment où il y a plus de mariages que d'autres dans l'année? L'été. Hein. Ouais, je pense entre juin et septembre, quoi, c'est vraiment le. Pour notre part, on ressent toujours un gros pic en juin. Fin juin, surtout. On reprend septembre. Enfin, ça dépend vraiment de. Ça dépend des années aussi, oui. C'est pour ça que c'était un moment clé aussi, mois d'octobre, parce que un mariage, ça se prépare sur le long terme. Exactement. On a besoin de temps pour préparer tout ça. Et du coup, voilà, là, ça tombait bien. Donc, du coup, peut-être que les mariés de l'année prochaine viendront à ce salon du mariage. Je le rappelle, donc, qui se déroulera le week-end du 12 et 13 octobre au sein de la chapelle de Travexin. Et l'entrée est seulement à 1 euro. Voilà, ça c'est bien, c'est important. Le dimanche aussi, il y aura un concert. Donc le matin, il y aura un atelier floral. Oui. Le samedi aussi d'ailleurs. Et le samedi aussi, oui. Le programme, vous le retrouverez sur le site internet. Oui. Atelier floral et un concert du groupe Edgar. D'accord. Voilà, un groupe local. Dans un esprit de jazz, mmh. Et alors, encore un défilé. Voilà, super. Voilà. Est-ce qu'on, du coup, on peut participer à cet atelier où on est visiteur, on peut. Ah oui, complètement. Oh, oui, c'est ouvert. Il y aura adultes et enfants. Donc ceux qui veulent venir en famille peuvent venir participer. Ah bah c'est super ça. Du coup, on peut concocter son bouquet. Et, voilà. Et puis du coup, on peut avoir exactement le même lors de notre mariage et c'est nous qui l'avons fait. Pourquoi pas, c'est une idée, oui. Voilà. Est-ce qu'on est encore en recherche de prestataires pour le festival? Est-ce que si des prestataires nous écoutent, ils peuvent vous contacter pour participer ou pas avant l'année prochaine? Je pense que pour cette année, on est... Pour cette année, on va être pas mal. Ouais, c'est que l'espace de la chapelle est aussi un petit peu limité. Oui, donc voilà, limité. Après, c'est sûr qu'on on aimerait voir plus grand, mais voilà, je pense qu'on va attendre... on se laisse le temps tranquillement de voir comment ça arrive. On a déjà plus de prestataires que l'année dernière, donc du coup, voilà, comme on reste à l'intérieur, on est limité. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Quel recul vous avez eu par rapport à cette première édition? On a trouvé des prestataires qui nous manquaient. L'année dernière, on n'avait pas de traiteurs. Donc ça, on a trouvé. On n'avait pas d'officiant laïque, ce qui était difficile à trouver dans les Vosges. Et là, on en a plusieurs, donc c'est une bonne nouvelle. Oui. On a de la pâtisserie, hein, les wedding cakes. Ah, c'est bien ça. On a les food trucks aussi. Donc en plus, avec un food truck qui démarre et qui est très prometteur au niveau de ce qu'elle va proposer. Donc ça va être une découverte intéressante avec des produits locaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, qui propose ce food truck? Donc c'est Charlotte de la Glaneuse des Saveurs. D'accord. Qui va proposer en fait des produits locaux, de la cuisine en zéro déchet, en fait, avec un système de bocaux, de consignes, etc. Super. Mm. Toujours dans cette même démarche éco-responsable. Éco-responsable, voilà. C'est ça, c'est cool. Donc ça peut être une idée pour... soit un repas de mariage, soit pour le lendemain. Et oui. Pour, c'est sympa. Ça se fait de plus en plus. Bah oui, c'est bien. Alors, est-ce qu'on a évoqué tous les prestataires qui vont être présents? Donc, il y aura des créatrices et des robes de mariée, des coiffeuses, des fleuristes, des photographes, de la pâtisserie, des traiteurs, des food trucks, des lieux insolites. Et puis, bien sûr, j'imagine donc des wedding planners. C'est quand même important. Les gens, ils attendent quoi de leur mariage aujourd'hui? Est-ce qu'ils attendent de pouvoir mettre la main à la pâte ou est-ce qu'ils ont envie un peu de lâcher prise et de laisser toute cette organisation aux mains de quelqu'un d'autre? Oui, et peut-être qu'il n'y a pas de règles d'ailleurs. C'est ça, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. On voit de tout, on voit des gens qui vont passer un an et demi à vivre le projet du mariage, et ça c'est intéressant parce que souvent c'est des gens qui ont chacun leur travail et qui pour une fois, ou s'ils n'ont pas d'enfants, vivent vraiment le partage d'un projet sur un an et demi. Donc le mariage il commence déjà là, la préparation du jour J, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des décisions ensemble, se mettre d'accord, etc. Et donc déjà il y a un cheminement dans la préparation du mariage. Ça peut être très court. Enfin, on a déjà vu des mariés qui se marient en 3 mois, qui préparent tout en 3 mois. Ah oui. Et il y en a, ils prêtent 2 ans. Ils vont découper leur propre structure, faire tous leurs canevas invités eux-mêmes, rédiger leur menu. Ils vont vraiment tout faire de A à Z. Et pour eux, d'ailleurs, il y en a même qui font un peu une déprime après le mariage parce qu'ils ont vécu un projet pendant 1 ou 2 ans à deux, et puis après, ils se retrouvent chez eux, et puis ils retombent dans le quotidien. Et il y a quelque chose qui retombe, quoi. Et voilà, c'est là où ils font des enfants, et puis après, ils retombent sur un autre projet. Mais c'est vrai qu'il y a... Voilà, ça commence par là, prendre des décisions ensemble, et trouver sa place quelque part, c'est vraiment un chemin. Et il y en a d'autres qui... Oui, qui peuvent pas forcément avoir le temps de tout préparer, qui font appel à quelqu'un et donc qui donnent vraiment leur confiance. Souvent, beaucoup de gens qui habitent loin aussi, qui viennent se marier dans les Vosges, des gens qui ont changé, qui ont trouvé du travail ailleurs, qui ont encore leur famille ici. On a vu aussi des Parisiens qui ont eu des coups de cœur pour la région, qui sont venus se marier dans la tranquillité des Vosges. Il y a vraiment de tout et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne s'ennuie pas d'un week-end à l'autre. Toutes les personnalités et toutes les façons de faire existent. Est-ce qu'il y a de la place pour tous les unions au sein de ce festival du mariage? Est-ce que par exemple on peut venir si on a envie de se paxer? Bien sûr. Tout le monde, tous les prestataires sont là en fait pour accompagner dans un projet... De cérémonies, de fêtes, tout est possible, bien sûr, pour le PACS également. Super. Voilà, toutes les unions, tous les âges,

Et donc voilà, aujourd'hui est en plein essor les mariages laïques, donc c'est tout à fait symbolique. Au-delà du symbole, certains mariés, ça leur tient à cœur de célébrer et concrétiser leur union au-delà de la mairie en fait et du côté administratif. C'est un moment où on va vivre quelque chose devant sa famille, devant ses amis. On peut l'exprimer de plein de manières différentes. Ça peut être très frais, très festif, très solennel. L'officiant va vraiment être à l'écoute des mariés pour lui construire une cérémonie qui lui ressemble, avec les musiques qui les inspirent, avec des rituels aussi qui leur sont propres. Selon s'ils ont déjà été unis, déjà, ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont déjà, par exemple, été mariées à l'église et qui ont besoin de recélébrer une union nouvelle. Les personnes qui n'ont pas trouvé réponse dans une religion ou une autre. Et voilà, ça peut être aussi confirmer des vœux après 10, 20, 30, 50 ans de mariage. Et voilà, donc en rituel, on a plusieurs rituels. Il y a la cérémonie des rubans. Ah oui, c'est beau ça, la cérémonie des rubans. Voilà, qui est une tradition à la base celte, mais qui peut être revisitée, qui peut être revisitée de plusieurs manières. On peut le faire pour les mariés, mais on peut aussi inviter la famille à mettre des rubans autour des mariés pour symboliser le lien qu'ils ont avec eux, parfois malgré la distance, pour ceux qui habitent loin, etc. Il y a la cérémonie du sable qui peut se faire avec les enfants, pour les couples qui se marient, qui ont déjà des enfants, qui unit la famille vraiment dans un même contenant, tout en gardant chacun sa couleur de sable qui représente ce que la personne a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera. Et après, on peut inventer même, avec les mariés, on peut inventer un nouveau rituel, un truc qui leur passe par la tête, qu'ils ont envie de faire. Voilà, toujours dans le respect des mœurs et de tout le monde. Je crois que c'est la limite, c'est le respect des mœurs. C'est une cérémonie vraiment, alors là, sur mesure. Voilà. On n'est pas cloisonné dans quelque chose, une tradition ou une autre. Hein. On respecte toutes sortes d'unions, aucun problème, pas de jugement là-dessus. Mais là, la cérémonie laïque, ça donne vraiment l'opportunité aux mariés de pouvoir symboliser leur union à leur image vraiment. Et ça, c'est vraiment beau. Voilà. Mais comment un jour tu es devenue Oui, c'est. pour ma part, déjà, j'ai un grand-oncle qui était prêtre, donc j'ai servi la messe pendant 7 ans. Ah. c'est rigolo, mais non, c'est quelque chose qui. Moi, je suis fleuriste depuis 2000. J'ai commencé ma formation en 2004 et. La passion du métier m'a vraiment apparu quand on a commencé à faire les mariages. Enfin, c'est renforcé avec les mariages parce qu'on rencontrait les gens, on s'asseyait avec eux et on parlait d'eux. Et j'ai rencontré un moment dans ma vie où je me suis posé pas mal de questions sur le côté humain qui me manquait un peu dans la vie. Et j'avais besoin, en fait, d'aller plus loin dans leur histoire. En fait, c'est ce qui m'intéresse. La partie, pas psychologique, mais la partie humaine... était vraiment ce qui me manquait dans mon métier, que j'avais besoin d'exprimer quelque chose, en tout cas en rapport avec l'histoire des gens, présenter l'histoire des gens. Et en fait, c'est à force d'entendre les gens chercher des officiants laïcs et ne trouvant jamais de réponse, j'ai passé le cap de ma timidité, grâce à, entre autres, à Pauline, qui est organisatrice de mariage, qui est en association avec nous, co-organisatrice du salon. Qui m'a donné l'opportunité d'essayer, et j'ai eu la chance d'avoir un couple qui m'a laissé essayer, et là la passion s'est vraiment confirmée tout en restant dans le secret pour les mariés, en partie dans le secret puisque je leur ai fait remplir un énorme questionnaire pour apprendre à les connaître puisqu'ils habitaient loin. Et oui, là j'ai vraiment compris ce jour-là que j'arrivais à rassembler tout ce qui me manquait, comme si je reconstituais un puzzle en fait. Une rencontre avec soi-même. Une rencontre avec soi-même et avec une histoire, une famille à mettre en lumière et à mettre en scène ce jour-là. Donc, ouais, au-delà du symbole du mariage, il y a vraiment ouais, le côté rituel et spirituel qui est vraiment présent lors d'une cérémonie laïque. Eh bien, dis donc, ça s'annonce sous de beaux auspices, hein, tout ça, quand même. Hein. Donc là, sur place, tu représenteras, tu proposeras le côté fleuriste et voilà. Le côté... Officiante. Officiante. Mmh. Ouais, y a le côté laïque, mais après, comme c'est, on officie pour une cérémonie d'engagement, donc le côté laïque, on parle même plus de laïque ou de religion, oui. On parle de cérémonie, tout simplement. Oui. Mmh. Cérémonie symbolique. Voilà. Ouais. Mmh. C'est très beau quand même, hein. Ça donne envie d'y être ce 12 et 13 octobre à Cornimont pour le salon, le festival du mariage des Hauts-de-Vosges. Et toi Estelle, on t'oublie pas, hein. J'imagine que tu proposeras plein de photos quand même, on pourra regarder un oui, petit peu ce oui, que tu fais. Oui, bien sûr, oui. Il y aura un book, des il choses il y a des books, il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci. Puis on échange avec les mariés sur place, donc voilà. Une très belle rencontre de mon côté avec Marina et Estelle pour parler du salon du mariage des Hauts-de-Vosges qui se déroulera à la chapelle de Travexin à Cornimont. Vous pourrez retrouver eh bien, encore plus d'informations, des photos, etc. etc. sur www.monamour.com, M-O-N-T-A-M-O-U-R pour mon amour. Une page Facebook peut-être où on retrouve oui, Festival quelques jours. Mon amour. Festival oui, mon amour. Oui. Mmh. Là, on mettra vraiment au fur et à mesure là, des jours... dans les deux semaines à venir, tout le programme, les exposants, voilà. Tout ça. Donc voilà, vous en saurez plus en nous suivant sur Facebook. Super. Bon, on vous souhaite plein de très, très belles choses à vous deux et à toute l'équipe. Merci. Et puis un très, très bon festival du mariage. Et puis voilà, on vous embrasse tous parce que merci l'amour à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Et puis pour tous nos éditeurs, surtout, bah, on n'oublie pas, hein, on se retrouve très, très bientôt. Et puis c'est bonheur, joie et rire à tous.